Le moment micro-trottoir sur Radio Côte Basque. C'est Marie Kouitzou. Alors nous, on est sur le marché de Bayonne pour faire un peu de promotion, de communication au niveau du festival de jeux qui va se dérouler samedi prochain, même la veille au soir, le 27 au soir et le samedi 28 mars à la MVC de Bayonne Centre-Ville. Un festival de jeux convivial, familial, où il y aura de tout jeu pour tout public. Donc ce n'est pas que pour les enfants, il y a aussi également des jeux pour adultes. Je crois que c'est la quatrième édition de ce festival des jeux à Bayonne. Et c'est donc à la MVC du Centre-Ville, 11 bis rue Georges Bergès à Bayonne. Pour les adultes, on va pouvoir trouver par exemple quel type de jeu. Alors il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a du jeu de rôle pour de l'initiation comme pour les férus. Il va y avoir donc tout un stand d'initiation à 12 jeux qui ont été sélectionnés avec les partenaires, notamment avec Eshkol Turnover qui est une association que nous accueillons et qui organise avec nous ce festival. Il y aura des jeux traditionnels basques, de l'initiation aux mouches. Il y aura également, effectivement, mon collègue me tend l'affiche le vendredi soir déjà, le club Question pour un champion qui organise avec la fameuse la tête d'affiche Joël qui a gagné, donc à tout le monde de prendre sa place. Extra, ça. Ah oui, exactement. Donc il y aura aussi des jeux pour les plus petits avec des parcours de motricité, livre-jeux avec libre-plume. On en aura vraiment pour tous les goûts, des jeux extérieurs, des jeux intérieurs, des échecs, de la peinture de figurines. Bref, on a un programme qui est disponible si on flashcode l'affiche ou qui peut se retrouver de toute façon sur le site aussi de la MVC et d'Eshkol Turnover. Ouais, c'est génial, hein. C'est encore un beau week-end animé le week-end prochain à Bayonne. Les élections seront passées. Gageons que les gens aient envie de se détendre après ce moment un peu intense et qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde. Donc on se donne rendez-vous donc dès vendredi prochain, 27 mars à 21h pour Question pour un champion, suivi le lendemain par une grande journée récréative à la MVC avec des jeux pour tout le monde et pour tous les goûts. Merci Tommy, merci, bonne journée et bon week-end à Bayonne. Merci. Je suis donc avec José au marché de Bayonne. Pianiste itinérant et je fais Bayonne depuis à peu près 30 ans. Et j'ai toujours été avec des bouquins régionaux, des romans. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Et vous avez des habitués forcément qui viennent vous voir régulièrement ? Oui, bien sûr. J'ai pas mal de clientèle qui sont habitués à venir chercher leurs petits livres de poche, leurs romans. Et comme c'est des prix vraiment très abordable, ils reviennent toujours. Et qu'est-ce que vous avez comme littérature ? Est-ce qu'on trouve un petit peu de tout ? Est-ce que vous êtes un peu spécialisé dans une certaine forme de littérature ? Non, du tout. On peut trouver de tout, livres régionalisme, des livres ésotériques, géographie, peinture, après dans les romans bien sûr, des romans pour tous les goûts, policiers, romantiques, eau de rose, tout ce qu'on veut, quoi. Et les livres de poche, pareil, c'est la même chose. Allez, une petite idée des prix, à partir de combien on peut s'offrir un joli bouquin pour se faire plaisir et se détendre et lire au soleil par exemple? À partir de 2 euros les livres de poche, vous avez les romans à 3 euros. À partir de 2 euros pour se détendre, voilà, au soleil, sous ce joli soleil printanier. En tout cas, merci José, merci et belle journée à Bayonne. Je suis maintenant au bar du marché avec Christian. Quelle institution ! Christian, le bar du marché existe depuis combien de temps ? Alors, au détail, à l'année près, on ne sait pas trop exactement, mais l'établissement existe depuis le début des années 30, quoi. Depuis, il était tenu par tes parents ou par ta maman ? Alors, ma mère est là en tant qu'employée depuis 1976. Mes parents ont racheté l'affaire en 85. Donc ma mère, oui, ça va faire 50 ans qu'elle travaille, qu'elle officie ici en tous les cas. Voilà. Est-ce que le bar du marché est un peu un rendez-vous incontournable des samedis matins à Bayonne ? Oui, surtout des samedis midi, quoi. Oui. Voilà, avec une clientèle qui est vraiment basée sur des gens qui habitent le coin. C'est vraiment une clientèle locale. Et bien sûr, sur ça se rajoutent les gens qui sont de passage, les gens qui découvrent Bayonne et voilà, les gens qui sont en vacances aussi. Est-ce que tu aurais, je ne sais pas, une anecdote sur un samedi matin ou une anecdote sur le bar du marché ici à Bayonne ? Alors là, de vive voix, j'ai rien qui me vient particulièrement. Ouais, j'imagine qu'il y a plein de souvenirs, il y a plein de choses. Chaque samedi est différent, en tous les cas. On rencontre toujours des gens différents, mais ça se passe toujours dans la bonne humeur et puis dans la convivialité en tous les cas. Oui, effectivement, il y a toujours cet accueil très chaleureux chez toi, au bar du marché. Ouais. C'est vraiment très sympa de venir rue des Basques. Ouais. Tu es à l'entrée de la rue des Basques, hein, quand on vient des Halles. Ouais. Et vraiment, on passe un bon moment pour boire un verre. Ou aujourd'hui, tiens, tu proposes quoi à la carte? Ben aujourd'hui, on a toujours nos omelettes qui sont quand même les produits phares des piments qu'on travaille tout l'hiver, qu'on met au dur et qu'on propose toute l'année. On arrive à, c'est le piment, nous, le piment doux d'Anglette, hein, qui est la base de notre carte. Quoi. Voilà. Merci Christian, et puis on va se donner rendez-vous certainement pour la foire au jambon. Hein, ouais. 23 avril, c'est ça? Exactement. 23 avril, ouais. La foire au jambon avec Christian, et on viendra vous faire un petit coucou, un petit clin d'œil. Merci Christian, belle journée. Allez, bon week-end, merci. Je suis avec Élie qui était un habitué du marché de Bayonne. Est-ce que tu viens souvent au marché de Bayonne prendre ton petit café? Ben écoute, oui, j'alterne entre Bayonne, Anglette et Biarritz aussi. Hein. Je suis en vélo et puis je fais le tour des popotes, comme on dit. Hein. Le tour des popotes, et au marché de Bayonne, tu viens y faire quoi? Tu viens pour l'ambiance? Tu viens pour ce joli soleil, évidemment, ce matin? Oui, ben je viens parce que bon, c'est joli Bayonne, hein. C'est une des... ville où il fait bon vivre, et puis bon, je vois des gens que j'ai pas le temps de voir en semaine. Je profite sous ce beau soleil radieux de voir des amis que j'ai pas vu depuis longtemps. Je peux pas y croire encore. Ah, c'est top. Et puis également, il semblerait garder un pied intense dans le rugby, notamment par les Oscarians. Ben intense, oui. Bon, j'ai tourné la page du rugby pro. Parce que je pense que je suis toujours le premier actionnaire de l'Aviron, hein, mais je ne suis plus partenaire. J'aime le rugby, j'aime bien aller voir la Pro D2 et le rugby amateur. J'ai été très déçu par le rugby pro, je me suis trompé dans mes investissements. Aujourd'hui, je me retrouve plus dans un projet d'Escuarian qui représente tout le Pays Basque, les 7 provinces basques, 3,5 millions d'habitants, exactement comme le Pays de Galles. Voilà. Bah, c'est chouette, en tout cas bravo hein, pour tout ce que tu entreprends, et même à 68 ans je vois que tu as une énergie encore incroyable. Non, je dis que pour rester jeune il faut avoir plus de projets que de souvenirs, donc je continue à gérer mes 25 sociétés à travers le monde, et j'ai 650 personnes que je suis sans avoir un bureau, ni d'ordinateur, ni un agenda. Élie, merci d'être venu à notre rencontre au micro de Radio Côte Basque, et à très bientôt sur nos ondes. J'ai voulu me déplacer après le marché de Bayonne et les Halles qui sont toujours aussi vivantes sous ce joli soleil, dans un repère, le repère des bons vivants, le Gueuleton, et je suis avec Lucas. Lucas, au Gueuleton, vous vous préparez à une belle journée, j'imagine? Oui, tout à fait, comme un samedi dans Bayonne, effectivement, vous arrivez du marché, vous avez pu voir, je pense, le monde afflué, le beau temps qui revient, donc une journée propice à ce que tout se passe bien. Est-ce que, Lucas, tu aurais une anecdote un petit peu sur un samedi du marché de Bayonne? Un samedi sur le marché de Bayonne, une anecdote. Une anecdote comme ça, je dirais les journées où il y a un peu de tout, il y a des gens, des Espagnols, des touristes qui viennent, etc. Et qu'on passe une journée, à passer la journée ici, parce que l'après-midi ça reste, le soir ça revient, les services ne se coupent pas. Donc oui, c'est ça un samedi. Ah, c'est chouette. Et alors ici au Gueuleton, hein, si vous avez très faim, vraiment ils sont là pour vous régaler, ils sont là pour vous gâter vraiment avec une cave à vin incroyable. Avec des vins un petit peu de tous les pays. Comment vous vous fournissez en vin? Comment vous faites ce choix dans votre vinothèque? Eh bien, on a la chance d'être trois, avoir une formation de sommelier au sein de l'entreprise. Donc effectivement, ça apporte un gros plus par rapport à la cuisine proposée. Donc on est en capacité de vous proposer tout style de vin, de tout profil, du premier à des plus grands vins. Donc oui, venez vous régaler, ça va bien se passer, ça c'est sûr. Merci Lucas et merci à tous, et n'oubliez pas, vous pouvez venir au repère des bons vivants au Gueuleton à Bayonne. C'est juste à côté du pont Mayou, et vous allez passer un excellent moment, que ce soit en terrasse ou en intérieur, avec les soirées qui sont un peu moins chaudes pour le moment mais qui vont pas tarder à se réchauffer. Belle journée. Et je me suis transporté rue d'Espagne dans une boutique qui m'a interpellé. Cette boutique s'appelle Naperon, sans dessus-dessous. Et je suis avec Julie, qui est la patronne de la boutique, mais également la fondatrice et créatrice de la marque Sans Dessus Dessous, de la marque Napperon. Julie, merci de nous recevoir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de Napperon ? Oui, alors Napperon est né d'une envie d'avoir une lingerie qui soit confortable, jolie et éco-responsable, mais aussi de décomplexer la lingerie aussi avec des pièces qui soient uniques et un univers assez léger. Et donc c'est une boutique atelier dans laquelle on retravaille des napperons, des nappes et on en fait des pièces uniques. Et c'est super. Et ces napperons, enfin c'est dessous que tu fais là, parce qu'il y a des pièces qui sont absolument extraordinaires, que je pourrais même dire ce sont des pièces de collection. Tu les fais, tu les fabriques avec quel support au départ ? Alors nous on utilise du coup vraiment des napperons, des nappes principalement. Parfois il arrive que ce soit des draps, des draps brodés, imprimés. Et du coup on coupe cette matière là, on la retravaille, on la revalorise, on ajoute des élastiques et tous les accessoires en fait qu'il faut pour faire une pièce de lingerie. On a des shorts et des tops aussi pour l'été, pièce très confortable. Et tout est vraiment fait ici. Et c'est que pour les femmes ou il y a des modèles pour les hommes ? Eh bien non, pas que pour les femmes, c'est absolument pour tout le monde. On a des culottes masculines aussi qui sont très jolies, très confortables. Je vous conseille de venir essayer, c'est vraiment super. Et les shorts sont mixtes, donc il y en a vraiment aussi pour tous les goûts. Il y a une petite nouveauté qui arrive bientôt qui pourra aller à tout le monde aussi. Je suis avec Mireille, nous sommes au Bonhomme de Bois. Quelle boutique incroyable à Bayonne, rue d'Espagne. Mireille, est-ce que tu peux nous dire depuis quand existe cette boutique à Bayonne ? Alors, elle existe depuis une bonne dizaine d'années. Alors, elle n'était pas forcément dans cet emplacement, elle était juste un petit peu plus loin, à 20 mètres. Et on peut trouver quoi comme type de jeu dans ta boutique ? Alors, ben, on trouve plein de choses, de la voiture en métal sur laquelle on va se promener, les jeux de société, des puzzles, des peluches. C'est un peu la boutique de jouets à l'ancienne, où on retrouve aussi des jouets qu'on pensait qu'ils n'existaient plus et qui existent toujours. Oui, je pense que bon nombre de familles bayonnaises se fournissent chez toi et viennent chercher des cadeaux pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Et depuis de nombreuses années certainement, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce qu'on est vraiment... les clients locaux, ben, ils sont fidèles, ils viennent nous voir, ils attendent nos conseils. Et après, on profite aussi du tourisme. Alors, ça fait que ça fait un lieu magique dans le centre-ville. Et... on a un plaisir à présenter tout ça. Merci Mireille. Alors en tout cas, je vous donne rendez-vous, le petit Bonhomme de Bois, rue d'Espagne, si vous voulez des cadeaux et vraiment régaler vos enfants, vos petits-enfants avec des jeux traditionnels, des jeux en bois, des jeux, des voitures effectivement métalliques, mais bon nombre de peluches et plein d'autres choses. Rendez-vous chez Mireille, où Mireille et Julia auront le plaisir de vous accueillir avec un sourire absolument radieux.